juge mais jamais classé sans suite. Et sur ce ça nique tout tout tout. Ça fait tout pour faire des sous. Ça prend des coups mais c'est pas la cause. Le rond n'est pas devenu fou. J'taffe tous les jours, j'vais poser. Inconnu qui vient me causer. C'est pas la joie dans ma vie. J'enchaîne tes tards bien dosés. J'taffe tous les jours, j'vais poser. Inconnu qui vient me causer. C'est pas la joie dans ma vie. J'enchaîne tes tards bien dosés. Capuché dans le verre.